Auditeurs, auditrices de Radio Chevauchard, bonjour. Quoi de neuf? Les Bulgares pourront échanger leur monnaie à la poste pour passer à l'euro. C'est la journée de la NASA. Peut-être avons-nous trouvé une nouvelle planète solaire. Anniversaire People, née en 1930, décédée en 1997, Barbara. Demain, Chantal Goya. Mardi, Christophe Lemaire. Mercredi, Daniel Chevenet. B. Pampouli pour jeudi et vendredi, Claudia Talpa. Samedi, Michel Larocque et dimanche prochain, Bernard. Bélabar, pardon. Quand il pleut pour la Saint-Médard, il pleut 40 jours plus tard. À moins que Saint-Gervais ne soit beau et qu'il tire Saint-Médard de l'eau. Bizarre. Le mois de juin, c'est le mois qui fait le foin. Oh là là! Intéressante. Elle remonte au 15e siècle en Europe, où elle était initialement une fête religieuse célébrée le 19 mars en l'honneur de Saint Joseph, le père de Jésus-Christ. Au fil du temps, la fête est devenue plus laïque et a commencé à être célébrée dans plusieurs pays du monde, y compris aux États-Unis, où elle a été officiellement reconnue comme une fête nationale en 1972. L'origine de cette célébration aux États-Unis remonte au XXe siècle, inspirée par l'histoire de Sonora Louise Smart Dodd et de son papa William Jackson Smart. Après avoir entendu un sermon pour une fête des mères en 1909, Sonora a commencé à faire campagne pour une journée célébrant les pères. Elle a réussi à organiser sa première fête des pères, le 19 juin 1910 à Spokane, dans l'état de Washington, pour honorer l'amour et le dévouement de son propre père veuf, qui a élevé ses 6 enfants seuls. Elle a proposé la création d'une journée pour rendre hommage à tous les papas. Elle a aussi proposé que la fête des pères soit célébrée le jour de l'anniversaire de son père, qui était en juin. la fête des pères est maintenant célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, souvent à des dates différentes. En France, cette fête a été officiellement reconnue par l'État en 1952 et est célébrée le troisième dimanche de juin. Visitez notre site. Bonne fête à tous les papas de la chaîne de Radio Chevaucheur, bonne écoute et bon dimanche de Pentecôte également. Vous avez joué peut-être au loto aujourd'hui, c'est le numéro 1, 4, 11, 26, 36, 44, 20 pour le Joker Plus, le 541, 963, signe Capricorne. Les pensées positives, ne cessez pas de faire ce que vous voulez vraiment faire. Là où il y a de l'amour, il y a de l'inspiration. Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper. Un grand merci à toutes les personnes qui ont voyagé hier pour la mer. J'espère que vous êtes bien rentrés. Et si vous voulez voyager, eh bien n'oubliez pas que nous aurons la possibilité d'aller à la braderie de Cambrai. Il y a beaucoup d'exposants également. Si vous aimez la brocante, il y aura un coin brocanteur. Si vous aimez voyager dans les Ardennes, on vous donne rendez-vous le 3 août pour la visite de la Chouffe et la dégustation de cette bière et la nouvelle de Chouffe Cerise. Et puis nous irons faire un tour dans la ville de La Roche. Toujours au mois d'août, on vous propose le zoo d'Amnéville. Au mois de septembre, le musée Grévin. Vous aurez la possibilité de visiter également le pays de Herve et les dégustations de la siroterie, d'une brasserie, du fromage et bien d'autres choses. Si vous aimez toujours les marchés, on vous donne rendez-vous également pour un vendredi matin au marché de Maastricht. Pour les personnes qui ne savent pas trop marcher, qui veulent profiter un petit peu des voyages, eh bien nous vous proposons le 2 octobre cette presta, un repas dansant bien sûr en France, et le 19 octobre le chanteur Baldo également, c'est un repas. Et en parlant de repas, je vais vous parler du week-end prochain pour les 43 ans de Radio Chevauchoir après ce titre de Anne-Laure. Le week-end prochain, Radio Chevauchoir vous propose dès 11h le matin, le samedi, un karaoké et bien sûr un blind test pour les personnes qui désirent venir nous rejoindre. Possibilité de manger une portion de frites avec une boulette ou un cervelas sur réservation, bien sûr. Et puis à 15h, notre jeu bingo que vous pourrez jouer à la guinguette de Radio Chevauchoir. L'entrée est gratuite. Le dimanche à 11h, vous aurez la guitariste Elliot Ness qui viendra jouer un petit peu du Shadows et possibilité de vous restaurer avec une plancha, les pommes de terre et la salade, sans oublier votre apéritif qui est compris dans votre prix. L'après-midi, ce sera Josiane Martin, entrée gratuite à tous et à toutes. À l'occasion des 43 ans de votre radio, les roses éternelles à l'effigie des 35 ans de Radio Chevauchoir sont à votre disposition. Pas le plus grand ni le plus beau. Vous écoutez Radio Chevauchoir de 8h à 22h. Merci de votre fidélité et bonne écoute. L'apéritif Musette tous les dimanches en compagnie de Lisiane. N'hésitez pas, branchez-vous. si vous venez de prendre l'écoute, bien le bonjour dans l'apéritif Musette jusqu'à midi avec Lisiane. Un contact téléphonique, vous pouvez le faire à ce numéro. 081 13 86 81. Téléphonez-nous. On est dimanche le 8 juin, on fête aujourd'hui la Pentecôte également. Vous avez le plaisir, pour ceux et celles qui l'ont toujours, leur papa. Bonne fête à tous les papas. En ce jour particulier, la direction de Radio Chevauchoir et ses bénévoles vous souhaitent un bon, heureux et surtout, joyeux anniversaire. Et...